Service financier Jacqueline Doucette a comme mission de créer votre indépendance financière. Grâce à des stratégies personnalisées, nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et en assurance. Pour rencontrer une équipe dynamique et courtoise, contactez Service financier Jacqueline Doucet au 418-276-6170. Toute l'équipe en profite pour inviter la population à participer en grand nombre au tournoi du Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini. Transport routier en toute sécurité. Les autobus Véro. Des gens à contacter. Nous offrons le transport de 48 et 56 passagers en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, votre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-769-1573. Toute l'équipe du groupe Véro, située au 1106 Saint-Christophe à Saint-Félicien, souhaite la meilleure des chances aux Sabres de Robertval. Et très heureux de commanditer la chronique de l'instructeur-chef. Le transport routier en toute sécurité. Les autobus Véro. Des gens à contacter. Nous offrons le transport de 48 et 56 passagers en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, votre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-769-1573. Toute l'équipe du groupe Véro, située au 1106 Saint-Christophe à Saint-Félicien, souhaite la meilleure des chances aux Sabres de Robertval et très heureux de commanditer la chronique de l'instructeur-chef Jason Lajeunesse. On va parler des Sabres de Robertval avec l'instructeur-chef Jason Lajeunesse. Salut Jason! Salut Danny! Jason, oui, défaite jeudi, lorsque j'ai préparé mon bilan sport local vendredi, je savais qu'il y avait un match des Sabres de Robertval, je regarde ça, 14-0 contre les Marquis de Jonquière. Les Marquis, c'est une grosse puissance, mais quand même, hein? Ouais, ils ont une bonne équipe, là, on se le cachera pas, là, ils ont la meilleure équipe, selon moi, puis selon plusieurs, là, ouais, de la Ligue GMS, là, Junior 2A au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu sais, ça fait peut-être 2 ou 3 mois, je pense, qu'ils n'ont pas perdu un match. Puis nous, on s'est présenté là-bas. On s'est pas présenté tout simplement. On voulait pas compétitionner là, contre les Marquis le jeudi soir. S'il manquait des joueurs, oui, mais c'est pas une excuse là, pour pas se présenter comme on l'a fait là, le jeudi soir. Okay, est-ce qu'il manquait plusieurs joueurs quand même? Parce que je sais que le junior, c'est la réalité. Ben, tu sais, on était 9-5, je pense, 9 avant, 5 défenseurs. Fait que, tu sais, c'est correct. On n'était pas mal pris. Après 10 minutes de jeu, c'était 0-0. On jouait un très bon match. Puis là, l'arbitre, c'est comme s'il est mis à Jonquière. C'est toujours pareil aux mains. Là, quand c'est serré, l'arbitre là donne des power play à Jonquière. Bob Desjardins, on dirait que c'est un dieu là-bas. Puis quand il dit quelque chose, ben on dirait que c'est l'arbitre de faire face à ses ordres. Donc, Bob Desjardins dirige encore. Ils ont eu un 5 contre 3, fait qu'ils en partant là, ils ont scoré 2 buts, là, à 53, 54, ils ont scoré 2 buts. OK. Fait que là, les gars sont mis à quitter le plan de match, puis à embarquer okay. dans le game de l'arbitre, puis on s'est sortis nous-mêmes du match. Là. OK. Mais Bob Desjardins, je pensais pas qu'il disait qu'il était encore actionnaire, il est propriétaire de l'équipe, sauf que je savais pas qu'il dirigeait encore. Il dirige encore même là-dessus. Oui. OK. Oh oui, il dirige encore là, les Marquis. Puis il était intimidant pour les. Ben, pour les arbitres, là. Pour moi, il me fait pas peur. Puis, de toute façon, je m'entends très bien avec. Là. Mais ouais. Pour les arbitres, là, dès qu'il dit quelque chose, on sait tout de suite que ça va virer contre nous, tout ça à Jonquière. Il n'y a pas un arbitre qui est capable de tenir tête. Là. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, la Jonquière. Depuis que ça fait 2 ans que je suis dans la ligue, ça fait 2 ans que c'est comme ça quand on va là-bas. OK. Puis dès qu'on est dans le match un petit peu, ouais. Là, puis, on est sûr qu'on va avoir des punitions contre nous. Là. C'est dommage, quand même, ce que tu dis là. Et dans l'autre ouais, match. C'est dommage. Oui, dans l'autre match, ça a été une défaite de 6-3 un peu. Oui, contre Allemagne. Un bon match malgré tout. On a peut-être mal débuté là, la rencontre. Okay. On s'est très vite replacé. Ouais, c'est ça. On s'est très vite replacé. Mais le mal était fait, là, puis on n'a pas été capable de revenir là, dans le match. OK. Donc, on s'en va maintenant en fin de semaine avec un match contre les Éperviers Normandins. Oui, vendredi soir là, à Normandin. Ça devrait être un bon match, encore une fois, là, contre les Éperviers. Il y a toujours des bons matchs. Ouais. C'est serré entre les deux équipes. Là. On ne se cachera pas. C'est 3 victoires, 3 défaites là, d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est assez serré là, quand on joue contre les Éperviers. Il est toujours. Par la suite, ben, vous recevez les Marquis de Jonquin. Est-ce que le speech, est-ce qu'il va y avoir un speech à faire? J'imagine qu'à quelque part, on veut beaucoup mieux figurer, là. Disons qu'on va les attendre de pied ferme, je pense. 14 à 0 aussi. Tu sais, ça fait, ils sont dus pour perdre, puis on est peut-être dus pour les battre, là, je sais pas. On va voir comment ça va se dérouler là, pour notre fin de semaine, j'espère. Il nous reste 3 matchs là, en saison régulière. Donc, contre les Marquis, là, c'est le dernier là, à Robertval. On va espérer que les gars sortent fort, puis on aille chercher peut-être une victoire contre Jonquière. Je penserais pas, mais en tout cas, on va espérer là, qu'on joue au moins un bon match, qu'on donne un spectacle là, ben oui. À notre dernier match là, à Robertval. Ben, c'est important aussi. Là. Puis c'est pas le dernier match. C'est le dernier match de l'année, c'est pas le dernier match de la saison. Là. C'est le dernier match de la saison régulière. Ouais. OK. Ben, Jason, on s'en reparle la semaine prochaine? Oui. Donc, c'est la chronique des Sables de Robertval avec Jason de Genève.